présentation de Mr. Hyde. Alors d'abord avec sa vraie version, qui vient du livre écrit par Robert Louis Stevenson en 1886, sous l'appellation de L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc je vous avoue que comme Frankenstein, je n'ai pas lu le bouquin, ou comme c'est également le cas avec le Dracula de Bram Stoker, je n'ai pas lu ces livres-là, même si j'en ai très envie, mais pour l'instant je suis pas dans une période roman. Donc l'histoire se déroule à Londres au 19e siècle. On a d'abord un homme, Gabriel Utterson, un notaire anglais, qui écoute une histoire de son cousin Richard Enfield. Ce dernier, qui a assisté à l'agression d'une petite fille par un individu particulier connu sous le nom de Mr. Hyde, ce dernier qui a acheté le silence des témoins avec de l'argent, dont les parents de la petite fille. Gabriel Utterson reconnaît le nom de Hyde, puisqu'il a lu ce nom dans le testament d'un de ses amis, le Dr. Jekyll. Selon le testament de Jekyll, s'il disparaît pendant plus de 3 mois, il offre tout son patrimoine à Mr. Hyde. Gabriel Utterson, lui, veut comprendre la relation entre Jekyll et Hyde, pour cela il mène une petite enquête. Il va donc rencontrer le domestique de Jekyll qui lui apprend que Hyde est habitué à venir à la maison de Jekyll. Plus tard, Hyde assassine le Sir Denver Scarrow et Jekyll le défend, ce qui n'est pas très logique pour un assassinat. Dr. Jekyll finit par se suicider en révélant son secret dans un courrier. Lui et Hyde ne sont qu'une seule et même personne. Jekyll avait créé une potion lui permettant de se transformer en Hyde, mais il ne s'attendait pas, enfin, une potion qui permettait de se transformer, mais il ne s'attendait pas du tout à ce que cela donne Hyde une version sombre de lui-même. Donc on va avoir un peu maintenant Mr. Hyde dans la culture. Donc il est apparu au tout début du film de Van Helsing qui est sorti en 2004 avec Hugh Jackman dans le rôle de Van Helsing. Et c'est Robbie Coltrane, si je ne me trompe pas, qui joue à Hagrid dans Harry Potter, qui fait la voix de ce personnage. Donc dans ce film, on a une bonne version, je trouve, de Mr. Hyde, vraiment meurtrier, même s'il ne tue pas que des humains, il tue aussi des animaux, et voilà, qui cherche partout à survivre. Et surtout, l'invention que j'ai aimée, c'est le fait que quand il est blessé, ou par exemple il se fait couper le bras, son bras reprend la forme initiale, ce qui fait que quand il meurt, eh ben, il reprend la forme de Dr. Jekyll. Ça, j'ai trouvé ça amusant. Ensuite, il est apparu dans le film La Momie, sorti en 2017 avec Tom Cruise dans le rôle principal. Et le Dr. Jekyll et Mr. Hyde est joué par Russell Crowe. Et par contre, je n'ai pas du tout apprécié cette version de Mr. Hyde, parce que déjà, il apparaît en tant que businessman. Donc un homme qui dirige une grande entreprise et qui veut attraper des monstres. Et il va effectivement réussir à attraper la momie. Bon, après, il y a toujours le côté entre guillemets, la potion, parce que là, il se fait des piqûres pour rester Dr. Jekyll. Et ce qui est décevant, c'est que quand Tom Cruise lui enlève ses seringues et qu'il devient de Mr. Hyde, en fait, il n'y a rien qui change. Le gars, il a juste la peau qui devient un peu plus foncée, peut-être les yeux qui deviennent jaunes, je crois qu'il y a un effet sur les yeux. Mais il devient entre guillemets un peu taré, enfin, il devient juste l'archétype du psychopathe qu'on aime voir dans les films, mais pas du tout un vrai Mr. Hyde. Là, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, apparemment, on a un personnage de Mr. Hyde qui apparaît dans Once Upon a Time, donc je n'ai pas vu la série au complet, et puis j'ai jamais vraiment fait attention à son apparition. Il y a aussi une chanson du célèbre chanteur Renaud qui représente ce personnage, qui est la chanson Dr. Renaud, Mr. Renard. Et je gardais pour la fin la plus grosse référence à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est en même temps la personne la plus connue dans d'autres cultures, qui est le personnage de l'incroyable Hulk. Parce que ce personnage, en fait, on a le Dr. Banner qui, grâce au rayon gamma, est devenu Hulk, qui est un monstre incontrôlable, qui détruit tout. Et on a cette relation entre le personnage normal, qui est plutôt un savant, et d'un côté, quand il se transforme, une bête incontrôlable. Donc, dans ma version des romans, dans la version de mes romans, le Dr. Jekyll, en fait, est un bon scientifique, mais il possède une peur des créatures surnaturelles, parce que tout le monde au courant de l'existence, même si on ne sait pas trop comment les reconnaître, où est-ce qu'ils sont, Tout le monde a une connaissance de l'existence des créatures surnaturelles, même si certains préfèrent pas y croire, enfin voilà. Et lui, il en a un peu peur, jusqu'à ce que une femme, Amanda Friesen, dans une chasse, tue sa femme. Du coup, il aura une haine envers cet hybride-là, parce que c'est une hybride, et il va y créer une potion qui lui permettra de devenir plus fort, plus rapide et plus dangereux. Sauf que le problème, c'est qu'il va créer une. Enfin, avec sa potion, il va devenir Mr. Hyde, qui est un assassin bien plus efficace qu'il le pensait, et il réussira à tuer l'hybride. Jekyll réussira à reprendre sa vie tranquillement, contrôlant ses pulsions de Hyde, mais Flore Temple veut venger la mort de son ami d'enfance, et il va modifier la potion du Dr. Jekyll pour que celui devienne Hyde à jamais. En mettant un petit soupçon de magie, en fait, le seul moyen, par exemple, que Hyde, maintenant, il a une énorme vengeance, et ça, Florian s'en doutait, envers lui. Donc, Florian, dans sa magie, a fait en sorte que Hyde, enfin, que Dr. Jekyll, sous cette forme-là, ne puisse jamais le tuer. Si Jekyll veut tuer Florian, il est obligé de reprendre sa forme initiale, sauf que, ben, à cause de la potion, il ne le peut pas. Il n'y a que Florian qui peut débloquer l'état surnaturel de Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Et du coup, tout ça se passe bien sûr dans les années 1800, début 1900. Et à notre époque, Hyde est devenu le bras droit de Falcon Myers, qui est le plus redoutable chasseur de créatures surnaturelles de notre époque. Et ils ont en commun l'envie de tuer Florian Temple.